Yeah. Trop de choses qui nous séparent, un tas de peine en part. Pour parler, t'as la télé, moi j'ai juste mon spar. Juste ma bouche et mes couilles, c'est ma façon de tchatch. Pas de pub sur mes dos, une politique de cash. Pas besoin de ch'tard pour me défendre, j'ai la parole. Tu sais, la droite, c'est pour les lâches, à ceux qui aiment les douilles. Devant des mots, ils sont perdus, ça m'étonne pas qu'ils collent. Un tas de tartes, c'est pas franchement un signe que t'as des couilles. Pour t'exprimer, t'as les médias et moi j'ai un micro. Pour t'exciter, je pars savoir à quoi tu es accro. J'ai un qui est caché là dans mon jean. T'as une bande de gorilles, tous ces paras ne sont pas clients. À ce qui paraît, tu niques le système, toi et ta clique. Combien de fric ça te rapporte de lui sucer la p***? T'es une tasse qui se ramasse un bon paquet de blé. T'es le scato du soir, combien de fois faut te rappeler. Y'a pas à faire le fier, y'a pas à tester mes frères. Fais pas le mec qui sur le terre connaît la recette. T'as pas l'accent de la rue, mais t'as le sang d'un ch'tard. T'as pas l'accès aux gens, mais t'as le rang d'une star. Viens pas faire le fier, viens pas tester mes frères. Fais pas le mec qui sur le terre connaît la recette. T'as pas l'accent de la rue, mais t'as le sang d'un ch'tard. T'as pas l'accès aux gens, mais t'as le rang d'une star. Légitime défense à ceux qui pensent en vert. Face à la science infuse, celle qui refuse de perdre. Et dans un sens elle gruge, purge un monologue, s'autoproclame juge. Ça c'est mon épilogue, légitime défense, je parle de langue de p***. Y'a pas de mytho mon frère, qui sait qui paie sans fuse. Capitalise un coup, tu crois te racheter. T'as tellement de thunes frère, mais pas assez pour m'acheter. Légitime défense, soi-disant tu récoltes. Un tas de blé, des privilèges, mais jamais de révolte. C'est pareil que l'eau, on est d'accord, mais on accorde encore. Que toutes ces chiennes, chip, cordes. On a les verts qui sont bien trop déter. J'vois pas de fumée, j'ai pas de canard où je me pose pépère. J'ai juste un kiff, c'est bien le rap si je le pose sévère. C'est un débris, fais pas un clash, vois si je pose vénère. Y'a pas à faire le fier, y'a pas à tester mes frères. Fais pas le mec qui sur le terre connaît la recette. T'as pas l'accent de la rue, mais t'as le sang d'un ch'tard. T'as pas l'accès aux gens, mais t'as le rang d'une star. Viens pas faire le fier, viens pas tester mes frères. Fais pas le mec qui sur le terre connaît la recette. T'as pas l'accent de la rue, mais t'as le sang d'un ch'tard. T'as pas l'accès aux gens, mais t'as le rang d'une star.